哇哈哈哈哈Yeah! Bienvenue tout le monde à cette émission un peu spéciale. Ouais, émission hors série qui s'appelle Scoy dans le bonnet. Mais et... l'image que vous voulez avec, c'est Scoy dans le bonnet. Et une chose est sûre, c'est une émission qu'on aura préparée longuement et très difficilement. Hein? Oui, oui, mais sérieusement, j'ai passé ma semaine à remonter l'émission de la semaine passée que j'ai mis en rediffusion. Là. Hey, c'est, comme je te disais tantôt, c'est quelque chose, hein, remonter une, reconstituer une émission de A à Z. Là. Oh, c'est un peu une question, c'est un peu une question d'habitude aussi. Ça va bien pour la musique, pour parler, t'as l'air d'un imbécile qui se parle tout seul chez eux. C'est la sensation que j'avais. Ouais. Je pense que ton chien a dû confirmer, un imbécile qui parle tout seul. Ouais, puis j'ai coupé les bouts que j'appuie parce que là, ça défaisait toutes mes affaires. Ouais. Ouais, sûrement qu'il se faisait arrête de faire l'imbécile, là, le camarade, puis met de la musique. Donc c'est ça, vous écoutez Scoy dans le bonnet, en remplacement de Scoy Punka et des bonnets rouges, car aujourd'hui, il y a eu un spectacle qui a été rediffusé sur Sifu. Puis, c'est ça, c'était. Il y avait une petite 30 minutes qui embarquait sur les bonnets rouges. Puis, plus qu'on est en période de réadaptation informatique assez fou, puis que l'archivage se fait des fois, puis se fait pas des fois, puis que le streaming marche des fois, marche pas tout le temps, ben, on s'est dit, ok, c'est beau, on fait une émission à l'ancienne, un peu comme à l'époque des shots de gouttière, pour ceux qui ont connu les shots de gouttière, ou du ce que tu veux. Adrien, lui, ça y dit rien, hein, mais bref. À ce temps-là, le monde, il arrivait avec une pile de CD puis il mettait à peu près ce qu'il voulait. La seule chose qu'on avait à faire, c'était de remplir un canevas. Donc, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Et en introduction, c'était la version remixée de Politician du groupe irlandais Paranoid Vision. Et là, Adrien, on s'en va avec quoi, juste, là? Avec les Vibrators et le morceau Wonderful World. Yeah! Qui est issu de quel album, mon juste, vu que tu l'as dans les mains, là? The Vibrators Volume 10. Yeah. Allez, allez, c'est le volume 10 des Vibrators. Vous êtes à Scoy dans le bonnet. Ah, les Scoy est partout! Mmh. trees. Cedars of great big tents down on their knees. See that school bus under that truck. See those black people, yeah, down on their luck. See the rich men living in the high towers. See the girls having a work after hours. Hear the rich on the radio. They're buying up your tomorrows. Ain't it a wonderful world? We'll be right back. l'air pollué. C'est une commune aux pieds d'hermite qui se perd et qui cherche le mal ailleurs, loin, trop loin. Sans père, rien à faire d'autre, rien à foutre d'autre. Quand on sommeille la substance, c'est plus vite que le vide, vite que le sens. Et on commence, et on je m'en calisse, écœurez-moi pas avec ça. Je m'en calisse, écœurez-moi pas avec ça. Je time ago when the earth was green, and there was more kinds of animals than you'd ever seen. They'd run around free while the earth was being born, but the loveliest of them all was the unicorn. There was green alligators and long-necked geese, some humpty-backed camels and some chimpanzees, some cats and rats and elephants, but sure as you're born, the loveliest of all was the unicorn. Now God seen some sinning and it gave him pain, and he says, stand back, I'm going to make it rain. He says, hey brother Noah, I'll tell you what to do. Build me a floating zoo and take some of them green alligators and long-necked geese, some humpty-backed camels and some chimpanzees, some cats and rats and elephants, but sure as you're born, don't you forget my unicorn. Old Noah was there to answer the call. He finished up making the ark just as the rain started falling. He marched in the animals two by two, and he called out as they went through, hey Lord, I got you green alligators and long-necked geese, some humpty-backed camels and some chimpanzees, some cats and rats and elephants, but Lord, I'm so forlorn, I just can't see no unicorn. Then Noah looked out through the driving rain. Them unicorns were hiding, playing silly games, kicking and splashing while the rain was pouring. Oh, them silly unicorns. There was green alligators and long-necked geese, some humpty-backed camels and some chimpanzees. Noah cried, close the door, 'cause the rain is pouring, and we just can't wait for no unicorn. The ark started moving, it drifted with the tide. Then unicorns looked up from the rocks and they cried. And the waters came down and sort of floated them away. And that's why you never seen a unicorn till this very day. You'll see green alligators and long-necked geese, some humpty bacchanas and some chimpanzees, some cats and rats and elephants, but sure as you're born, you're never gonna see no unicorn. Yeah! C'était The Irish Rovers avec The Unicorn. Yeah, The Unicorn! Comme ils disent dans leur chanson, vous verrez jamais des licornes, sauf en Irlande. Il avait peut-être pris trop de bière cette fois-là. Que de la bière seulement? Bon, ok, c'est dans les années 60, mais si tu lis leurs histoires aux Irish Rovers, c'est quand même trois Irlandais qui se sont ramassés, trois frères, là, se sont ramassés c'est au Canada en voyage, mais il n'y avait plus de cash pour tourner en Irlande. Ils sont venus faire de la musique, ils ont rencontré un nobody sur la route, qui était Irlandais lui avec, bien sûr. Puis ils se sont dit, on fait un band. Pendant que le monde tripait sur le Peace and Love, eux autres, ils se sont dit, on va faire du folk rock. On pourrait dire que c'est les ancêtres du folk punk. Ouais, il y a d'autres groupes folk aussi, tu sais. Ouais. Je sais pas. Mais quand même, ils ont été pas mal dans les premiers à mixer le folk et le rock en même temps. Bon, ok. Alors, oui, c'est vrai, deux pièces avant, on avait eu DOA avec Dirty Bastards. Ainsi que les rejets de Satan avec Parle-moi dans le vide, qui est extrait de leur tout nouvel album En faire toute une histoire. Avec tout ce que tu nous disais depuis tout à l'heure sur Scoil dans le bonnet, en imaginant ce que tu veux, d'ailleurs, le titre de l'album de DOA pouvait être bien dans le genre We Come in Peace. j'avoue, ouais. C'est vrai ça. Alors là, tu me présentes ce qui s'en vient. Alors, on va s'écouter un morceau de Dirty Deep, un morceau issu de l'album Back to the Roots et intitulé I Expect Nothing. Puis ensuite, un morceau que je ne connais pas encore, je n'ai pas encore décidé de The Craftsman Club, issu de l'album 36 Minutes, et puis après, je pense qu'on aura peut-être du Crash Ton Rock. Ouais, du Crash Ton Rock, ouais. Je pense que le bloc devrait souligner un peu de même, là. Ouais, puis après ça, il devrait avoir une publicité, puis on va vous dire. Que jouer pour Crash Ton Rock. Ok, je vous rappelle, vous écoutez Sky dans le bonnet. Et puis, si ça fonctionne pas sur Internet, comme j'ai dit tantôt, vous allumez votre radio avec une bonne bière et vous nous écoutez. Ou sinon, avec une bouteille d'eau aussi, à la limite. Là. Ouais. Ok, allez, allons-y avec Dirty Deep. I'm gonna watch out. chercher. Quand les premiers regards sont venus me chercher. Tout différent et plein d'espoir. La différence fait notre force. sensationnel. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est fou, 89.1. L'avenir avec Monsieur Chaloum. Pour ses vacances, le Père Noël ira au Carnaval étudiant 2015 et fera trop de crossfit. Désormais appelé « Céleri de Noël », il gagnera au beer pong et ne pourra pas faire sa livraison de cadeaux avec plus de 0.08. Oh, je vois dans ma tasse de thé que vous allez vous inscrire près de la bibliothèque et que vous allez suivre la page Facebook. Au Carnaval étudiant, viens créer ta propre histoire. Tous les jeudis matin, deux brunettes très différentes vont essayer de s'entendre pour vous faire découvrir leur style de musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Deux filles, deux styles, une émission, les jeudis, 9h30. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de CFOU. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Fou de métal! Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est fou 89.1. Ouais! Vous écoutez, c'est fou 89.1. C'est fou en punk! Ouais. Ouais, non. Mais ils ont dit fou en métal. Ils n'ont pas dit fou en punk. Je suis triste. On va aller pleurer. On va faire nos emo. C'est triste. Ouais, va faire emo va faire le emo dans ton coin. En tout cas, on s'est écouté tout à l'heure Crash ton rock avec le morceau Crash ton rock. Je vais aller me barbouiller les yeux avant, par contre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et c'était ici leur premier album, Des rats parmi les loups. Ouais. Et juste avant, c'était écouté Les chiens. Ouais, c'était Les chiens qu'on s'est écouté. Ouais, des Craftsman Club. C'était issu leur album 36 Minutes. C'est aussi leur premier album d'ailleurs. Et auparavant, c'était Dirty Deep et le morceau I Expect Nothing. Yes, sir. Et puis là, on s'en va en musique. Avec un live. Ouais, en fait, avec un bloc de groupes qui seront repris par d'autres groupes. Dans le cadre d'une soirée BITL Production. Adrien, pourrais-tu nous en parler un petit peu plus? Ouais, ce sera au Central Big Ben à Plessisville le samedi 20. Et tu veux peut-être les noms des différents groupes qui seront là. Ouais. Donc c'est le party de Noël punk rock en fait de BITL. On a Rancy, un hommage à Rancy, un hommage à NoFX. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Good Riddance. Ouais, Good Riddance. Puis Operation Ivy aussi pour Rancid, parce que le groupe qui fait l'hommage fait un genre de double hommage. Je sais pas si est-ce que t'avais été là l'autre fois au Manchester quand il y avait eu l'hommage à Rancid? Non. Ok, ben c'est parce que ce groupe-là, il fait un double hommage, Rancid et Operation Ivy. Vu que dans le fond, c'est pas mal le même groupe, Rancid et Operation Ivy. À part pour le chanteur, parce que dans le temps d'Operation Ivy, ben Tim chantait pas vraiment. Après ça, ben il a découvert qu'il y avait une voix. Je pense parce que, tu sais, vu qu'il a beaucoup bu d'alcool à l'époque d'Operation Ivy, ben là, il a pogné une bonne voix par la suite pour Rancid. C'est quoi le message hein? Si un jour vous voulez chanter, détruisez-vous à l'alcool pour avoir une belle voix. Ouais, mais c'est chiant pareil, mais garde les. Tu sais, quand tu lis un peu sur Rancid, dans l'histoire du groupe, c'est ça quand même, mais c'est spécial, tu sais, le gars qui s'est détruit la voix pour avoir une bonne voix pour chanter. Ok, ça a marché pour lui, mais c'est peut-être pas la je bonne... Je vous le conseille pas, je vous le conseille c'est pas. C'est ça, tu sais, c'est ça. Peut-être que ça a marché pour lui, mais ça veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. Donc, tiens, on va y aller avec NoFX et Franco Un American, pièce live, extrait d'un de leurs nombreux albums live, mais celui-là, en tout cas, il s'appelle... Dave Actually Goffin Wrong Life. Ouais. Tu sais, eux autres, ils aiment ça bien se planter. Comme ça, au moins, ils ont des bonnes excuses. Après ça, pour Rancid, ben, puisqu'ils nous ont toujours pas envoyé leur nouveau disque, ben, puis puisqu'on a décidé qu'aujourd'hui, on faisait seulement jouer des disques et pas des MP3, eh bien, on y va avec Red Hot Moon, qui est extrait de l'album Indestructible. Ouais, tu vas y arriver. Ouais, maintenant, il va y arriver. Operation Ivy, ben, je sais pas encore laquelle. Il va peut-être en avoir deux, vu qu'ils sont quand même assez courtes, les pièces d'Operation Ivy. Pour Good Riddance, ben, j'hésite encore entre All Fall Down et United Cigar. Je verrai qu'est-ce qui va s'enchaîner le mieux avec du Operation Ivy. OP, hein? C'est ça, une émission live préparée. Live devant vous autres. On imagine plein d'affaires à la dernière minute. Alors, vous écoutez Sky dans le bonnet, en remplacement de Sky Panka et des bonnets rouges, là. Ouais, avec deux nouveaux animateurs, c'est vrai, c'est vrai. Camarade remplacement. Et quelque chose des bonnets. Hey, quelque chose, ça va bien? et toi, remplacement? Oui, ça va bien. Bon, OK. Allez, go. Hate the game, not the player. I never thought about the universe, made me feel small. Never thought about the problems on this planet at all. Blow, blow, what? Radioactive sites, imperialist and rods and the animal rights, yes. Why think all the bad things when life is so good? Why up with an am when there's always a good? Let the whales worry about the poison in the sea. A sign of California is far more sea. I don't want changes, I know reaction. Your dilemma, they're my distraction. That's the way to go, Franco, an American. Way to go, Franco, an American. Way to go, Franco, an American. That's the way to go, Franco, Franco, an American. I'm sick and tired of the embarrassment. The whole world wants us to kill our fucking... Jungle, I'm an individual, and you are stuck in a haze. Oh hell no, she's knows what they do, cause she says so. And she knows who her friends are. So fuck you, don't get no closer. It'll only make her run far away. Run up pretty well. Let's say we spend a lot of time hanging out. I always thought it's already that she'd be the one to get out of here and make a life for herself. But when we found her in the Little League Park, in the dugouts, it was cold, dim and dark. And no one knew why she wouldn't wake up. I think she finally made it back home. Now, under the red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Under the red hot moon, bus downtown to the graveyard shift tonight. One time for your mind, two times for your soul, three for the graveyard and the money I fold. Dipped out in the city where the sun burns slow. No hope, it's a pity, I can't say no. Not my time to go, it's not my time to die. Last thing I want is for my mother to cry. It was love at first light, the very first night. Things have never been the same since I took my first flight. The way I live my life, my love, I live lavish. Lost me from the start, you lose, you'll never have this. Untouched, unleashed, back up, you don't want it. Sticking for his cash, his back, now we pawn it. Take to and pass, I take to and blast. Bust the motherfucker, I'm out on the smash. Dipped out, high as fuck, I'm out of control. to me. Yeah, Good Riddance avec la bonne vieille chanson United Cigar. Sinon, deux pièces avant ça, on avait eu Rancid avec Red Hot Moon. Non, NoFX tout d'abord avec Franco and American Live. Rancid, Red Hot Moon et Operation Ivy avec Healthy Body. Ainsi que Officer, parce que les deux, comme je disais à Adrien tantôt, tu peux pas les séparer. Exactement. Bon, on s'en va en musique avec Turbo Negro et un de leurs covers de David Bowie, Suffragette City. Ce sera suivi sûrement d'un morceau de Boyd, mais on sait pas encore lequel. Ouais, ce sera la surprise. Exactement. Puis après ça, juste avant la pub, On verra. Une pièce dans le même genre, le punk rock keten. Alors allons-y sans plus tarder avec Turbo Negro et leur version de Suffragette City, qui est quasiment meilleure que l'original à David Bowie. Yeah. éclectique, fou de diversité, fou de rock classique, fou de variété. Vous êtes dans la zone 89.1. Actualité littéraire, coup de cœur livresque, débat, polémique artistique, portrait d'écrivains méconnus et beaucoup plus, soyez au rendez-vous. Tous les jeudis après-midi, dès 15h, pour Allez-vous vers. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Génie en liberté, émission d'actualité et d'information, maintenant en format 90 minutes pour plus de contenu, tous les lundis matin à 9h30. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Fou de primeur. Vous êtes dans la zone 89.1. On est dans la zone 89.1. La zone 89.1. Skypunk, non! Il y a un bon coin Skypunk aujourd'hui. Non. Sky dans le bonnet. Yeah! Et j'espère que Blouin skype pas trop dans son bonnet. Je vais changer de mot. Bon, ok. Adrien, dis quelque chose. Bah, tu veux que je dise quoi? Que je présente l'ancien bloc qu'on vient de passer ou le bloc qui vient de passer par avant? Pardon de l'ancien bloc qui vient de passer. Avec Bon Vivant, samedi, demain j'arrête de boire. Je pense que ça, c'est moi qui l'ai choisi celui-là. Ouais. J'ai un petit peu abusé hier soir. Là. Peut-être c'est quelqu'un qui nous écoute, là, qui ont vu ça, là, je sais pas. Oh. Et puis, c'est ça. Là. Et puis, Boyd's Back in My Arms. Ouais, Back in My Arms. C'était issu de leur album We Stalk Each Other Like Animals. Ouais, qui est paru sur Stomp Record l'année passée ou cette année. Ouais, c'était cette année, ça. Ça fait il n'y a pas 6 mois, là. Ouais, c'est du 2014, hein. Ça va vite, hein. Oui, ça va très très très vite. Et puis, tu sais, c'était quoi avant? C'était Turbo Negro et Suffragette City. Reprise de David Bowie. La mémoire comme ça, me semble que c'est vers 1972 que Bowie avait composé cette toune-là. T'sais, quand on dit que Bowie, c'est un précurseur du punk, là, c'est pas une menterie, là, c'est quand même assez vrai pareil. T'sais. Que quelques années avant 1977, ben, il commençait déjà à avoir de la bonne musique. Hein. Ouais, 77, toute une année cette année-là. Alors là, on s'en va en ska et en ska-punk avec tout d'abord Los Tres Puntos qui nous viennent de France avec CEO ainsi que Guapa, extrait de l'album CEO. Ça s'enchaînera avec Skunk, la pièce numéro 9 qui est... Galdera Berbera, issu de l'album Kinky, et on continuera avec Guarapita et un morceau de leur album Politicaria. Et puis après ça, Qu'on va s'enchaîner deux morceaux qui traitent de la ville de Paris, parce que c'est Capitale, Tragédie de Guarapita, puis on enchaînera avec Paris de Tyler Jones. Dans le même bloc. Ouais. Okay. Ouais, on va enchaîner ça, on est fou, tiens. Fait qu'on y va avec 5. C'est ça, on disait, du ska punk, oui. Donc on y va avec un bloc de 5 pièces, là, qui se termine en hardcore. Donc on passe du ska punk au hardcore. Tiens, puis on fait un bloc de hardcore après. Ouais. Mais moi je vois que 4 pièces pour l'instant, à moins que tu passes d'autres pièces de Los Tres Puntos. Hein? Quoi? Je ne compte que 4 pièces. Non, mais SEO, elle s'enchaîne avec Guapa. Ben non, c'est l'introduction de la patch. Allez, vas-y, go. C'est ce que je veux dire, man. We'll be right back. cuántas maten en su vela. Avec des hébergements de qualité. Cette rue que l'on croirait sortie d'un cauchemar se trouve être une rue de Paris. Combien de familles cherchent un logement décent ? On n'ose fixer leur nom. Paris, la ville lumière. Bien sûr, cher monsieur, on est plus que disposé à vous donner un contrat. Ce mot dans les journaux, dans les romans. Dans la zone 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Ici Jean, le journal. Pour l'émission Il était une fois le carnaval étudiant. Dernière minute, les parcs d'amusement sont tous en faillite. Et oui, le carnaval étudiant 2015 attire des gens de tous les coins de la planète par ses activités rocambolesques. Pour plus d'informations, suivez leur page Facebook. Sur ce, je vous laisse car je vais m'inscrire au kiosque devant la bibliothèque. On se revoit là-bas. Wouhou! Au Carnaval étudiant, viens créer ta propre histoire. L'heure du dîner est loin? La fin de semaine arrive? Vous voulez en savoir davantage sur l'actualité universitaire? Écoutez Jour de paye, tous les jeudis, 14h. Voici les trois raisons pour écouter Les Précieuses Ridicules. L'humour déjanté de Marie-Christine Perra, les informations pertinentes de Myriam Lortie et les judicieux conseils d'Alexandrine Pichissir. Mais surtout, pour se tenir au fait de l'actualité culturelle trifluvienne, pour avoir un divertissement incontesté, des invités déjantés ainsi qu'une radio-théâtre de qualité. Ne manquez pas Les Précieuses Ridicules, les dimanches à 11h, sur les ondes de C'est Fou 89.1. Monsieur, franchement. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les coups des franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine. Tous les lundis, 13h. Opération Nez Rouge de Trois-Rivières recherche des gens qui ont envie de faire un choix triomphal. Être bénévole pour la campagne 2014. Que vous soyez seul, entre amis, collègues, sachez qu'il est maintenant temps de vous inscrire au www.opérationnezrouges.com. Toutes les personnes ayant retourné leur formulaire avant le 1er décembre sont éligibles pour gagner une tablette gracieuseté de HP et Infotech. Plusieurs prix à gagner et plein de nouveautés. On vous attend pour plus d'informations. 819-373-5121. Cet hiver, impliquez-vous pour Opération Nez Rouge. Fou de midi divertissant. Vous êtes dans la zone 89.1. Yeah! La zone 89.1! FM en mort ici. Yeah! Baby! Et on s'était écouté Paris. Et juste avant, Capital Tragédie. Enfin, Paris de Tagada Jones. Parce que si j'ai eu Paris, on s'est écouté Paris de qui? Bon. Ouais, de qui? Tagada Jones. Juste ouais, avant. Et avant, c'était Capital Tragédie de Guarapita et Caldera Berbera de Skunk. Et si ho et guapa de Los Tres Puntos. Yeah! Extrait de l'album Si ho. Maintenant, puisqu'on a des fonds, danser la publicité, mais c'est pas grave, hein, ça arrive. On s'en va avec The Prowlers et Tous Unis, qui a été leur première chanson francophone, qui ont fait de leur vie. Hein. Puis, ils en ont une deuxième, Un voisin de la terreur, là, ça c'est sur leur nouveau split avec Angelic Upstart. Puis, ben, peut-être, là, l'année prochaine ou l'autre, là, peut-être un mini-album en français. Mais on reste dans le peut-être. Mais, puisqu'ils nous l'ont déjà dit en entrevue, bon, ça va peut-être arriver, hein? T'en penses, Adrien? Ton micro, il est haut, hein? Tu te sens géant aujourd'hui? Hein? Ben, c'était je vous laisser parler mon ego. OK. Non, je sais pas, ça permettrait, s'ils fassent un mini-album, de les avoir à nouveau ici en interview. Oui, ben oui, ben oui. Écoute, je pense que c'est le groupe que j'ai le plus interviewé avec les Planet Smashers. Là. Mais je pense que oui, Prowler, je pense que autres. C'est ceux que j'ai le plus interviewé, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ben, tu sais, ça fait longtemps qu'ils existent, hein, quand même. Ils ont quand même plusieurs albums. Puis, tu sais, dans l'Oeil à Montréal, c'est pas mal. Le top du top, on pourrait même dire en Amérique du Nord, là. Tu sais, Prowler, c'est pas parce qu'on les connaît et qu'ils viennent de Montréal le condition, mais c'est parce que. Et ça sonne bien, quoi. Ouais, ça sonne bien, puis, tu sais, gars, mondialement parlant, les Prowlers sont très bien reconnus. Ça donne, par contre, qu'ils vivent à Montréal, c'est le fun, tu sais. Nous autres, on peut y voir souvent. T'allais dire de quoi, on dirait, mais. Non. T'as eu un blanc de mémoire, non? Ok. Alors, la chanson Tous Unis, extrait du mini-album Chaos in the City. Et puis après ça, ben, on va avoir Comité Insect, qui eux seront bientôt en spectacle. Ben, bientôt, c'est pas si bientôt, c'est au mois de mars quand même, là. Pour le festival Oeil de la Sainte-Pat qui va avoir lieu à Montréal. Donc cette année, ben, t'sais, il va y avoir plusieurs groupes, dont justement Comet Insect et Slapshot, que je vais faire jouer plus tard au cours de l'émission. Là. Donc ça va être bon cette affaire-là. Et puis pour Comet Insect, on va entendre leur version de la chanson Amsterdam. Et nous terminerons ce prochain bloc-là avec les Reject Assay du Brésil, qui ne peuvent malheureusement pas nous entendre ce soir. Ça, c'est triste, par contre, pour eux, là. Mais bon, au pire, ils prennent l'avion, ils arrivent ici, ils sortent une radio, puis On écoute, c'est faux. Attends, si tu déchires à déplacer jusqu'ici, là, je les invite direct dans le studio. Là. Ouais, ah ouais, c'est sûr. Là. C'est des bons, ça a l'air d'être une bonne gang. Là. En tout cas, pour Reject SC, ça sera A de Liberdade, qui est extrait de leur album portant le titre de Falar versus Ouvrir. Sur ça, allez, on y va avec les Prowlers et tous unis, car dans la scène Oi, nous sommes tous unis. Sans lendemain, nous allons tous nous aider. Ouais! Alors, c'était la formation portant le nom de Reject Essay avec la pièce Hot de Liberdade. Alors, on va baisser un petit peu le son, puis on va allumer tous les micros pour que le fan club puisse parler. On leur demanderait une ovation carrément. Non? Yeah, on se cogne dans le bonnet. Rapproche-toi, Doudou. C'est des micros unidirectionnels. Faut être proche pour leur parler dedans. Merveilleux. Tu te colles la face devant le micro. Collé dessus. Là, pour que tu sentes l'odeur du micro en plus. Hey, DJ Alex, tu nous présentes-tu le prochain bloc qui commence avec Obey the Brave? Oui, alors la prochaine toune, ça va être une toune de Obey the Brave, un groupe des membres de Montréal et de autres. D'autres villes du Québec. Du Québec. Il n'existe d'autres au Québec. Hein. Il n'y a pas juste Montréal. Suivi de... Razor in the Night. Un groupe de Boston, un high hardcore. Très bon, soit dit en passant. Puis... Et ensuite, ça va être un autre groupe de Boston, Slapshot, qui vont faire un show pour la Saint-Patrick à Montréal. Et la tune c'est Hang Up Your Boots. Yes! Suivi de... Ouais, Adrien, après ça... D'un morceau de Mass Murderer, c'est un groupe breton, là. Je sais pas, le morceau Werbach, tiens. Puis c'était un split qu'ils avaient fait avec Tagada Jones. C'est ça que t'écris tout croche. Ah, OK, Mass Jones. Tagada Mass Jones. Il sait pas lire une pochette d'album, c'est pas grave. Elles sont fuckées, les bretons, hein, quand même. Hein. C'est breton, c'est normal, c'est bien fait. Les bretons, il y a une grosse barbe avec un gilet gris. À col roulé. Puis ils mangent de la pas soupe. De col roulé. C'est un col roulé, ça? Non. Bah, avec un zip. Ouais, c'est avec un zip. C'est un zip col roulé. Ça pique-tu la barbe? Je suis sûr que ça reste pogné dedans, les fois. Je préfère... Je sais même pas si je dois répondre à ça, en fait. C'est... Là, répondre ou ne pas répondre. Il est bouché. Ça, c'est la question. Mais on y va en musique avec Obey the Brave. Parce que des fois, on fait le violent. Respect the word, what you saw. makes you tell me try. You ain't more than you lie. Yeah! C'était Mass Murderer, ça va être We Are Back. Ouais, on est de retour, hein. C'est vrai, on est de retour en onde. Hein, avec tous les micros ouverts. Hein. Et tout plein de monde dans le studio. Yes! Full, plein, rempli, yo Jack, man! N'importe quoi. Exactement, là, tu. Du coup, tu voulais passer quoi après, c'était ça? Ben, on a eu tout d'abord, pendant le bloc que joué, du hardcore avec Obey the Brave et Full Circle. Après ça, pour Razor in the Night, la chanson qu'il avait joué, Alex, c'était la dernière, là, qui s'appelle Never Give In, c'est ça? Ensuite, on a eu Slapshot avec Hang Up Your Boots et Mass Murderer avec ben, Adrien l'a dit, We're Back, c'est ça. Et on va continuer avec Off With The Heads et un morceau de leur album In Desolation qui sera Clear The Air. Clear The Air, exactement. Parce que faut dire, on va pas continuer, on va plutôt terminer. Hein. Donc on termine cette première présentation spéciale portant le nom de Scoy dans le bonnet. C'est ça. Bah tu en avoir d'autres Scoy dans le bonnet, ben peut-être des fois quand il y a des bugs à station. C'est fait comme ça. Bon, on improvise, c'est le fun. Donc comme j'ai dit, ce soir, il n'y avait pas d'archivage. Fait que c'était comme ça, direct live. Si vous avez manqué l'émission, allez pas voir là, sur Facebook là, pour trouver un lien là, vers cette émission. Il n'y en aura pas, je vous le dis, je ne la remonte pas, c'est trop long. Puis, ben, c'est ça. De toute façon, c'était le concept de la soirée. On s'amenait une pile de CD, puis ah ouais, ils ont shooté ça comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi? Si, je vais faire une petite émission spéciale avec les groupes, que des bandes bretons dans quoi? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ok. Et la semaine prochaine, ben, je sais pas trop ce qui va se passer, mais il va se passer de quoi ou pas. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, peut-être on est là, peut-être qu'on n'est pas là. Donc, Peut-être qu'on va être là sans être là, ou je sais pas. Ouais, toi, c'est vrai que t'as quand même une émission de pré-enregistrer, ce qui est pas mon cas, là. Mais non, genre, c'est ça. Fait que. En gros, c'est sûr qu'on se retrouve le 19. Sinon, ben, ça va aller à plus tard une autre fois. Donc, si on se retrouve le 19, ben, ça sera le 19. Pour le 19, pour ma part, ça serait spécial Noël, parce que le 25, tu sais, il est avant le 26, et après le 19, le vendredi prochain, c'est le 26. Ouais. Ça va être un spécial de Noël, le 19. Ouais, j'imagine un petit ce soir, c'est Noël. Ouais, oh, oui, la petite musique tranquille, là. Vraiment tranquille. Oh, hey, puis j'oubliais, pendant que j'y pense, ben, remarque que ça regarde plus du monde de Montréal, mais au cas où qu'on aurait sa route qui passe et qui entend notre signal, parce que ça se rend pas à Montréal, le 89.1, il y a des parasites à Montréal, le 89.3 qui entre sur notre fréquence, qui fait que on n'est pas capable de découper ces fous dans le bout de Montréal, là. Mais bref, en tout cas, si vous êtes à Montréal, juste pour vous dire comme ça, vendredi le 12 décembre, les membres du Sisterhood de Montréal font une soirée spéciale pour la basiste d'Action Sédition qui s'est fait voler sa base. Le but, dans le fond, c'est d'aller à leur partie du Sisterhood, d'aller faire un tour sur Facebook, là, puis ils vont vous dire c'est où. Et ben c'est ça, c'est vous donnez ce que vous voulez, puis comme ça, ben, Émilie pourra se payer une nouvelle base et aller faire une tournée en Europe. Ouais, c'était le message de la soirée. Sur ce, on se quitte avec tout ce qu'il nous faut. Ça commence avec Off With Their Head avec Clear The Air. Ce sera suivi des Dropkick Murphys avec un morceau... Skinhead on the MBT8, hein. Et puis, je sais pas quoi, Mayday? Ouais, non, en fait, la compile Mayday, vieille compile punk, punk et oi, qui était sortie sur une sous-division, admettons, punk de Stormbreaker à l'époque, mais qui a pas fait très long cette sous-division-là. C'est dommage, car vraiment, c'était très bon. En tout cas, l'idée était très bonne de cette sous-division-là, qui a eu plusieurs groupes punk canadiens et oi sur ça. Bref, en tout cas, on va se laisser avec Generators. On n'a pas confondre avec Generator, qui est un groupe allemand. À Montréal, on avait deux Generators. Et pour eux autres, ben, ça sera la chanson Institution Live. Sur ce, à une autre fois. Bye bye. À bientôt. Et d'ici là, y a le tonnerre en onde. Tabarnouche, ça fait le ménage fort à Chasse Galerie. Bye bye. À la prochaine. Et d'ici là, vive le rock libre. wanted to tell you, I wanted to share some important details that you're unaware of. I want you to listen, I want you to care. I'll choke to death if I don't clear the air. It's not a secret that I obsess, and then I get angry and then I get stressed. And you can't imagine and you can't compare. You've no frame of reference and then you get scared. I'm doing my best to help make you see that it's not your fault when I beg and I plead. It's much easier just to go back to sleep, but we gotta find a place to start, because I'm falling apart. See what lives inside of me. I thought I-